Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. C'est Steve Hackett ce soir qui a fait l'introduction. Il l'a pas fait spécialement pour l'émission, mais disons que je pense que Steve Hackett, il se passe de présentation, le grand guitariste du grand groupe Genesis, et son 24e album tout récent, Wolf Light, ça vient de paraître. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un aussi bon disque, je vous dirais. C'est très symphonique. Ce que j'aime de Steve Hackett, c'est qu'il fait pas juste des albums de solo de guitare, mais vraiment beaucoup de belles mélodies. Puis il y a des accents du Moyen-Orient sur ça. Une musique symphonique, évidemment, on l'entend jouer de la guitare acoustique, électrique, classique. Et c'est lui qui chante aussi sur ses pièces. Donc une belle réussite pour Steve Hackett. Comme d'habitude, il y a des pièces prog, il y a des pièces qui sont aussi plus folk. Alors, ce soir à l'émission, c'est Bruno à la mise en onde et Marc avec vous au choix musical et à l'animation pendant un bon 2 heures. On a plusieurs nouveautés ce soir. Bon, on a Steve Hackett et on a également en primeur à la Radio de Québec le nouveau Arena qui va paraître le 27 avril. On a le nouveau Universe Effect, c'est un groupe de Québec. On a le nouveau Glasshammer, The Breaking of the World. C'est la première fois que ça joue aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi comme nouveauté? On aura Seven Impel, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. On a le nouveau Néodyme. On a plein de bonne musique pour vous. On a un spécial aussi avec les spectacles qui s'en viennent. Parlant de spectacle, c'est la convention Terra Incognita. C'est dans moins d'un mois. En fait, ça vient très, très, très vite. Dans le fond, c'est dans 3 semaines. Les 16 et 17 mai, donc l'événement où on se rencontre tous, organisé par Michel Bilodeau, la convention 2015 au Centre d'art La Chapelle, avec Elephants of Scotland, House de Montréal. On en écoutera une pièce tantôt, un groupe donc qui travaille sur leur deuxième album actuellement. On aura Anecdoten de la Suède. Également, le 17 Frog Café des États-Unis, Il Castello di Atlante de l'Italie et Caipa da Capo des Suédois. Donc, l'excellente guitare de Ryan Stolt qui est ce spectacle-là. Je pense qu'il ne faut pas manquer ça, évidemment. Il y a également, donc, côté spectacle, Aiken et Spock's Beard. Ça, c'est le 28 avril, donc mardi, dans 10 jours à l'Impérial de Québec, et ça commence à 19h, là, ce spectacle-là, parce qu'il y a 2 spectacles, puis ils ont pas mal de matériel à faire. On aura 2 pièces, une de chaque groupe un peu plus tard dans l'émission. Mais on va y aller en musique avec un deuxième extrait de Steve Hackett, Wolf Light, la pièce titre, et ce sera suivi de Il Castello di Atlante. Moi, je les ai connus au début 2000, avec leur premier disque paru en 94, il me semble. Et celui-là, c'est paru en 2000. C'est Come il seguitare delle stagioni. Et donc, on aura une pièce de cet album, Sotto il ponte. Mais d'abord, Steve Hackett. Steal our freedom. body and into the dream. Le groupe Il Castello di Atlante qui seront en spectacle le 17 mai prochain au Centre d'art La Chapelle dans le cadre de la convention Terra Incognita. Alors ça, c'était tiré de leur album, leur troisième album, paru en 2000. Et Come il seguitare delle stagioni. Et c'était la pièce Sotto il ponte. Alors c'était vraiment excellent. Hein? Le violon, les guitares, les claviers. Il y aura le claviériste de Léormé qui sera là. Tony... où est-ce que j'ai son nom? Oui, Tony Pagliuca, c'est ça. Donc, de la formation originale de Léormé, qui sera là pour le clavier. Là. En tout cas, c'est un spectacle à ne pas manquer. Ensuite de ça, après, il va y avoir Ryan Stolt aussi, et son groupe des années 70, Kaipa. Là, il va se lâcher juste à la guitare. C'est pas lui qui chante dans ce groupe. Et puis, il y a également, oui, comme je le disais tantôt, Frog Café. Il y a Annick Dalton aussi la veille. Ceux qui veulent se procurer des billets, il faut quand même communiquer avec Michel. Il en a parlé un peu la semaine passée. Là. Il reste quelques billets. Également, le 15 mai, il y a Magma au Petit Champlain. Magma, c'est un groupe formé en 69 en France. Et on aura un extrait tantôt là, de leur nouvel album Schlangtanz. Alors, on poursuit en musique avec une nouveauté. En fait, c'est une primeur. L'album va sortir le 27 avril. C'est Arena, c'est un groupe britannique. The Unquiet Sky, leur nouvel album, leur huitième album. Ça a commencé à débuter dans les années 90, en 95, le premier disque. Arena avec John Mitchell, Clive Nolan, Mike Big Pointer. C'était un super groupe parce que chacun de ces musiciens-là venait d'un autre groupe de l'époque. Alors, The Unquiet Sky, ça c'est un extrait qui nous a été envoyé par Built by France, une étiquette française qui distribue l'album à partir du 27 avril. Donc, ce sera la pièce Unexpected Dawn. Ensuite de ça, on poursuit avec Glasshammer, le nouveau Glasshammer, The Breaking of the World, et un album surprenant, très bon. Il y a beaucoup de variétés aussi dans ça. Il y a de la flûte traversière qu'on n'entend pas souvent avec Glasshammer. C'est le cas pour la pièce Babylone qu'on écoutera. Il y a également une autre avec du violon là, qui est vraiment excellente sur cet album-là. Plusieurs très bonnes pièces de Glasshammer. Donc, une nouveauté. Glasshammer et la pièce Babylone. Et d'abord, Arena. Oui, qu'est-ce qu'on va mettre après? Oui, on va enchaîner avec House. House, c'est un groupe de Montréal qui seront également à la convention Clarinconita le 16 mai. Et un extrait de leur premier album. On y va tout de suite en musique, donc, avec Arena. The time has passed. The waiting is now over. The curse was lifted from my short and fragile life. The sands ran through this torn and twisted hourglass. But it's not me that has to pay the price. You failed to break the final straw. I am no more a helpless pawn, so I see another day, this unexpected dawn. So I see another day, this unexpected dawn. Built on nothing more than ignorance. You never did control the demon's crown. Vanquished by the might and awe of forces spawned from darker lore. So I see another day. this unexpected a foul scent in the air. The stench of morality, real or imagined, reeking like burning hair. All those meddling fools, all those pious Judases, let them all burn in the world they hold dear. I sail away, crossing the Rubicon towards the point of no return. Thank you. C'est le groupe House de Montréal, tiré de leur premier album, Despite Guardian Angels, et la pièce « Oudekerk 1 », qui signifie « vieille église » en hollandais. Et puisque, je ne sais pas, il y a beaucoup de références avec la Hollande sur ce disque-là. Et donc, ils seront à la convention Terra Incognita le 16 mai prochain au Centre d'art de la Chapelle. Vraiment, ça va être encore une fois une belle fin de semaine, on est chanceux. Alors, on poursuit avec un groupe de Québec. Ils viennent de faire paraître leur premier album le 25 février. C'est le groupe Universe Effects. Et l'album est enregistré dans les studios d'Antoine Barry, qui est le fils de Denis Barry. Ils ont travaillé ensemble sur le dernier album, d'ailleurs, de Denis Barry. C'est vraiment un album qui m'a surpris. C'est vraiment très bon. Prog metal, pas toujours metal nécessairement, beaucoup varié. Excellent album, In the Haze That Surrounds Us. On aura la pièce The Artifact. C'est une belle découverte, un autre beau groupe de Québec. On y va tout de suite avec ça, en musique. such intrigue. The faces are locked, so is away from here. If we turn around, we'll notice a hand and a smile, but the further we go, this landscape is so beguiling to a blind eyes. CKRL, Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clé, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pincée de graphite et une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait de l'insurpéré pour emporter. Madame. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à La Barberie. À La Barberie de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Distorsion. Effet Larsen. Une émission en super réverbération. Ton oreille a soif. Fais boire ton oreille tous les jeudis, 22h. Ton oreille a soif. Avec Jean-Sébastien Grondin, Olivier Lantier et l'aimable collaboration sporadique de Jean-Pierre Malou. Ton oreille a soif à CKRL 89.1. La radio qui cultive des choux. Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2015. Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans la section « Proposer une émission » sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 3 mai. Repos! Et là, de retour avec Bruno et Marc. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Rhys Marsh and the Autumn Ghost, l'album de Blue Hour, et la pièce Wooden Heart. Il vient de sortir un nouveau disque. J'ai bien hâte de l'entendre. Les critiques sont bonnes, mais il est difficile à avoir. Alors, juste avant, le groupe de Québec, Universe Effects, tiré de leur album In the Haze That Surrounds Us, la pièce The Artifact. Alors, c'est le fun de voir qu'il y a des groupes de Québec qui font de la bonne musique comme ça. Alors, on aura justement un deuxième extrait de Néodym un peu plus tard dans le bloc qui s'en vient. Mais d'abord, un petit doublé avec Aiken et Spock's Beard qui seront en spectacle à l'Impérial. le 28, donc ça s'en vient dans 10 jours à l'Impérial et ça débute à 19h. Donc on aura une pièce de The Mountain de Aiken, Atlas Stone, suivie du plus récent Spock's Beard, Brief Nocturnes and Dreamless Sleep, et la pièce I Know Your Secret, et on aura Néodyme, donc tiré de La Signature du Temps. On aura la pièce Fuite d'attention. Alors, allons-y tout de suite en musique. Aiken, Spock's Beard et Néodyme. Yeah. Yeah. times were good. Remember life was grand. Funny how the future didn't turn out like you had it planned. The costs were high, talk was cheap. Promises to God that we all knew that you could never keep. You knocked me down, but now I'm back up on my feet again. You'd look right through me if I passed you on the street, my friend. Here at the end, it won't depend on who you know. Surprises are on my side. Thank you.

back your self-control from a girl who's not if we can count you out. Hey monsieur, ça rentre ça, hein? C'est un groupe de la Norvège. C'est des jeunes, la moyenne d'âge est environ 23 ans. Leur second album, en fait, ils avaient fait un EP en 2013 et celui-là paru en 2014, City of the Sun, Seven Impale donc. Et j'ai découvert, grâce à la revue belge Progressiste, le numéro 79, il y en avait une pièce sur la compilation. Et je me suis procuré l'album. Donc la pièce God Left Us with a Black Dressed Woman, c'est la grande pièce de l'album. Vous avez pu le constater. Bravo à ces jeunes Norvégiens. Juste avant, bon, on avait eu Magma, tiré du plus récent album. C'est un mini album en fait. Schlagtanz, et ils seront en spectacle le 15 mai. Au Théâtre Petit Champlain à Québec. Le groupe Magma, fondé en 1969, et c'est toujours le même percussionniste, batteur, qui est là depuis le début. Et il y a toutes les voix, tout ça, c'est à ne pas manquer. Juste avant, il y avait le groupe Néodyme, tiré de leur plus récent album, Fuite d'attention. C'était la pièce Fuite d'attention, en fait, oui, puis c'est leur plus récent album, La signature du temps. Il y avait eu Spock's Beard et Aiken. On va, il nous reste le temps de deux pièces. Une pièce du groupe britannique Abelgans ou Abelgans. Leur album tout simplement intitulé Abelgans. La pièce Unconditioned, et on terminera avec Anima Morte, tirée de leur plus récent album Upon Darkened Stains. On y va tout de suite avec Abelgans.